Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit des actrices du cinéma français 1929-1944. Alors le titre de cette nuit est un peu long, mais il a le mérite d'être précis et juste, et de ne prendre personne en traître, et du coup de ne décevoir personne, du moins souhaitons-le. La nuit des actrices eût été un titre plus percutant peut-être, mais très insuffisant. En précisant actrices du cinéma français, on comprend mieux, et bien sûr, puisque l'on précise encore une fois la période, 1929-1944, eh bien, cela rend l'objet de cette programmation des Nuits de France Culture, entretien et archives tout à fait clair. Mais avouons tout de suite que l'idée de cette nuit des actrices du cinéma français 1929-1944 ne nous est pas venue comme ça par hasard. C'est bien la publication d'un volume épais et incroyable sous ce titre, publié à l'aide-mémoire et signé Armel Delorme, qui a éveillé notre curiosité. Alors je me doutais bien évidemment que les années 30, des années 30 à 40 et suivantes, il y avait bien une production cinématographique, comment en douter. Mais je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un allait passer, je suppose, des années de sa vie à rendre un tel hommage à des stars ou à des vedettes, ou est, surtout, et là est l'originalité, à des inconnus, en tout cas des inconnus, des femmes, des actrices qui étaient peut-être connues, mais qui ont un petit peu cessé d'être connues et reconnues par le public d'aujourd'hui, en tout cas. Bonsoir Armel Delorme. Bonsoir Philippe Garbi. Alors, dans cette nuit des actrices du cinéma français 1929-1944, c'est un peu votre nuit, en fait, Armel Delorme, il faut que vous le sachiez. Ça sera aussi la nuit de Bruno Villien, autre passionné de cinéma. Il a écrit des livres sur Hitchcock, sur Visconti. Ce sera également la nuit de Didier Griselin. Didier Griselin qui nous parlera de Françoise Rosay. Il lui a consacré un livre, Déclaration d'amour, sous le titre Une grande dame du cinéma français. Bruno Villien qui est évoquera sans doute Arletty, Jacqueline Delubac, et donc vous, Armel Delorme, vous qui n'aurez pas le temps d'évoquer chacune des dizaines, des centaines peut-être, des actrices traitées dans ce premier volume d'Arletty à Kiki de Montparnasse. Vous n'aurez pas le temps ? Il y en a 250, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Oui, alors comme on va être ensemble au début de cette nuit, une quarantaine de minutes, ça va. Non, il vaut mieux pas. Alors qui est cet Armel Delorme qui rédige aussi bien 5 pages sur Maribel, Annabella, Arletty, je vais dans l'ordre alphabétique là. Mireille Balin, Simone Berriot, Blanchette Brunois, Agnès Capri, Muse d'Albret, Paulette Dubost, Daniel Darieux, etc. Alors là, c'est pour parler des actrices connues. Mais quel est donc cet Armel Delorme qui passe aussi autant de temps, si ça se trouve, en tout cas de place dans ce livre, 5 pages pour parler de Kissa Kouprine, Fignolita, Sonia Gobard, Françoise Delia. Je suis pas certain que toutes les auditrices, tous les auditeurs se souviennent ça pourrait nous dire qui est Fignolita et dans quel film elle avait joué. Et je suis sûr que vous avez la même gourmandise et la même passion historique pour ces comédiennes. Oui, sinon j'aurais écrit un livre sur, comme vous l'avez très bien dit, Annabella, Arletty, Edwige Feuillard, Daniel Darieux, Viviane Romon, Smilla Parelli, etc. Et je me serais arrêté là. Alors, pour vous répondre sur Fignolita, ça tombe très bien, puisque Fignolita existe vraiment. Enfin, elle a existé, oui. Je pense qu'elle n'est plus là depuis quelques années. Elle tournait déjà en 1920, Fignolita. Oui, elle n'était pas toute jeune. Mais non, Fignolita, c'est une actrice dont je trouve indispensable de tirer le portrait. Parce que historiquement, c'est la première comédienne de couleur, pour être moins dans le politiquement correct, on va dire la première comédienne noire de peau à avoir travaillé régulièrement dans l'industrie cinématographique en France. Voilà, elle a eu une actrice qui lui a succédé dans la durée, qui est un petit peu plus connue, qui s'appelait Darling Legitimus, qui elle a eu les honneurs d'un premier rôle dans un film en fin de carrière qui s'appelait Rue Cazenègre. Fignolita, elle, qui venait du musical, a joué les utilités. Elle était spécialisée dans les habilleuses, les femmes de chambre, les caméristes noires. Et elle a été historiquement la première. Avant Fignolita, lorsqu'on avait besoin d'un personnage de femme noire ou surtout de femme noire au cinéma, on prenait une actrice blanche de peau et on lui passait le corps et le visage au cirage. Voilà. Fignolita était la première à jouer authentiquement des femmes noires ou des femmes maghrébines, parce qu'en fait, elle était née, je crois, en Algérie, et elle était un petit peu métissé entre le sang algérien et le sang noir. Et donc c'est d'une certaine manière une actrice qui a préparé le terrain à d'autres actrices beaucoup plus emblématiques, dont Joséphine Baker, qui est historiquement la première tête d'affiche et vedette à part entière noire dans le cinéma français. Alors, par exemple, pour Fignolita, eh bien, il y a deux points d'interrogation. C'est, on ne sait pas quand elle est née, on ne sait pas quand elle est morte. Oui, Fignolita est un pseudonyme, évidemment. On ne sait pas quand elle est née, on ne sait pas quand elle est morte. En revanche, on connaît très bien les films qu'elle a tournés. Enfin, très bien, grâce à vous. Oui, ben, grâce à moi, mais peu importe grâce à qui. D'ailleurs, l'important, c'est que ce livre existe. Alors, par exemple... Et maintenant, on saura où trouver les informations sur cette première actrice noire du cinéma français. Accusé, levez-vous, de Maurice Tourneur. Faubourg Montmartre, Raymond Abilleuse. Bernard. Prostituée. Mirage de Paris, de Fedor Rosette. Lidoire, Les deux papas, Ito, Tartarin, Tarascon. Alors... Et encore, ça n'apparaît pas dans les copies actuellement visibles. C'est incroyable. Vous nous parlez de Fignolita, une actrice qu'on doit voir 40 secondes dans le film, la première version. Non, le rôle était plus long. Dans le dernier film important qu'elle ait tourné, Le Petit Chose, d'après Daudet, elle joue pendant tout le film la billeuse noire d'Arletty, qui a le second rôle féminin du film. Donc, elle traverse tout le film. Donc, on a le temps de la voir. Après, sur le n'apparaît pas dans les copies actuellement visibles, en fait, l'idée, c'est que la plupart des films des années 30 qui nous parviennent dans des versions tronquées, incomplètes. Donc, on a des traces écrites de participation de tel acteur ou telle actrice à tel film. Et un des travaux que l'aide-mémoire met un point d'honneur à effectuer, c'est que un acteur est... Une actrice indiquée dans le film n'apparaît pas dans la copie visible, de signaler qu'il a tourné le film, qu'il ou elle a tourné le film, mais qu'à l'écran, on pouvait le voir dans les copies d'exploitation d'époque, mais qu'aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Voilà. Alors, donc Fignolita, on va pas faire 40 minutes sur Fignolita, mais en tout cas, c'est intéressant. Mais en même temps, je trouve que c'est finalement, c'est presque un terrain d'introduction sur une des choses dont je tenais à parler au cours de l'émission. C'est que c'est vrai que Fignolita, c'est donc première actrice noire du cinéma français, mais on parlera probablement au hasard des portraits de tout l'apport au cinéma français des années 30, des acteurs et des actrices, et particulièrement des actrices venues d'horizons qui n'étaient pas la France métropolitaine, puisqu'à l'arrivée, on a un quart à un tiers des têtes d'affiche du cinéma français qui sont originaires des Balkans, qui sont originaires d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, et que le cinéma français des années 30 accueille énormément d'acteurs venus de latitudes qui n'avaient rien à voir avec ce qu'était la France de 1930. Et c'est particulièrement vrai pour les actrices, plus que pour les acteurs d'ailleurs. Alors, on va donner rapidement comme ça le menu de cette nuit des actrices du cinéma français 1929-1944. Après notre entretien, Armelle Delorme, on pourra entendre un reportage consacré au mariage de Joséphine Baker et Joe Bouillon. Alors, Joséphine Baker, on la connaît comme chanteuse, mais elle est comédienne. Vous traitez sa filmographie comme celle d'autres actrices. Puis, on pourra suivre l'écran sans image, une partie de campagne de Jean Renoir, avec Sylvia Bataille, une première diffusion en 1946 sur la chaîne parisienne. Je suis comme je suis, les mémoires imaginaires d'Arletty. Donc, on aura ensuite un rendez-vous avec Bruno Villain, qui parlera d'Arletty, qui parlera de Jacqueline de Lubac aussi, puis des confidences de vedettes. Alors ça, c'est ces émissions formidables, parce que en fait, de confidences, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de confidences extraordinaires, mais voilà, on va chez la vedette, on monte l'escalier, on est ému, et on rencontre là Simone Renan. C'était en 1945 sur le programme parisien. Puis, la mémoire du siècle de Paulette Dubost, qui était au micro d'Éliane Contini en 1992, un entretien avec Didier Griselin, donc, qui nous parlera de sa chère Françoise Roset, puis un radio ciné-club festival Edwige Feuillère, ça date de 1948. Puis, en direct avec la phonothèque de l'ORTF, Pauline Carton, par Claude Dufresne, ça date de 1969 sur France Culture. Un mardi du cinéma sur Maria Cazares et le cinéma. Alors, Maria Cazares, elle tient dans la période 1929-1944, mais de peu. Hein. De peu, mais pour une raison un petit peu scandaleuse, on va dire. Cazares tourne et la révélation théâtre de l'année 42. Elle démarre le cinéma en 43, elle a 21 ans, elle tourne deux films, coup sur coup, deux films extrêmement importants dont les tournages vont d'ailleurs se s'entrecroiser. Les Enfants du Paradis, Les Dames du Bois de Boulogne. Le public la trouve formidable, la critique aussi. Et à partir de 45, elle fait partie de ces actrices révélées par la fin de l'occupation que l'industrie du cinéma ne sait plus très bien comment employer. Et donc Cazares, qui est une immense actrice, qui peut être une des actrices les plus mythiques de sa génération, dès l'immédiat après-guerre, glisse dans les séries B, les films Fauchet. Il faudra que Cocteau ait l'idée d'aller la rechercher pour Orphée et lui confier le rôle de la princesse d'Orphée pour la remettre un petit peu sous le feu des projecteurs dans un film important. Et puis Orphée est un désastre en termes d'entrée en scène. Ça met fin du jour au lendemain à la carrière de Cocteau cinéaste. Et plus personne ne demande non plus Maria Cazares, qui va rester éloignée des plateaux jusqu'au milieu des années 70 et qui reviendra à partir de 75 dans des rôles plus ou moins importants dans des films plus près de nous comme Blanche et Marie ou d'autres, La Lectrice. Alors j'ai oublié de dire, Armelle Delorme, que votre livre Actrice du cinéma français 1929-1944, publié chez L'Aide Mémoire, est sous-titré D'Arletty à Kiki de Montparnasse. Donc on aura compris, c'est bien le premier tome. Nous sommes entre A et K. Vous avez un petit peu triché pour ce qui est du titre, parce que la première actrice dont la première lettre est un A, ce n'est pas c'est du tout Arletty, c'est... C'est Delphine Abdallah. Voilà. Et la dernière, et la dernière c'est Kissa Kouprine. Je savais que si j'avais appelé ce livre de Delphine Abdallah à Kissa Kouprine, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à provoquer, je sais pas si on peut appeler ça du désir, mais en tout cas à interpeller les lecteurs potentiels. Donc j'ai un petit peu triché en me disant qu'on restait dans quand même l'ordre alphabétique, comme Arletty, oui, comme Kiki de Montparnasse, ça va. Et ce sont des noms qui parlent. Et surtout, ce qui m'amusait beaucoup dans le choix de ces deux actrices, c'est que ce sont deux actrices qui sont l'une et l'autre, pour des raisons différentes, très à la marge du cinéma des années 30. Arletty va devenir une star de l'écran, va devenir une actrice qui compte et rapidement l'actrice la mieux rémunérée du cinéma français à partir de 1939. Juste après la sortie d'Hôtel du Nord. Mais dans les années 30, c'est une actrice que le cinéma ne sait pas très très bien utiliser. On n'ose pas monter des films sur son nom. Donc elle est emblématique de ce cinéma, mais ce n'est pas non plus la plus grande star du cinéma français des années 30. Et Kiki de Montparnasse, qui est devenue mythique grâce aux films de Man Ray, aux photos et à sa propre légende. Et une actrice qui va beaucoup tourner, mais toujours en marge de l'industrie traditionnelle. Elle va faire des films expérimentaux, elle va faire des courts-métrages avec Man Ray, avec l'avant-garde des années 20. Et dans les années 30, on la rappelle de temps en temps pour jouer une prostituée dans un film, des rôles absolument anecdotiques. Et néanmoins, elle est devenue beaucoup plus mythique que des actrices qui, à l'époque, étaient des stars. Comment avez-vous procédé, vous, Armelle Delorme ? Parce que s'il y a combien, 250 comédiennes ? Je crois que c'est 250 à peu près. Donc on peut imaginer 700, 800, 1000 films ? Vous les avez vus tous ? Parce que c'est, non, c'est je ne les ai pas tous vus. Il y a beaucoup de films invisibles, malheureusement. Mais ce livre, je l'ai écrit en 4 mois à peu près. Mais en amont, il y a 15 à 20 ans de visionnage intensif, de VHS, de DVD, de films sur le câble. Je démarrais par les vidéos. Ah, la Cinémathèque aussi voilà. La Cinémathèque d'abord, oui. Ensuite, la VHS. À 20, 21 ans, dès que je commençais à un petit peu gagner d'argent, je me suis abonné au bouquet Ciné Classique. Donc j'ai vu tous les films pâtés qui, à l'époque, repassaient sur Ciné Classique en boucle et qui sont invisibles aujourd'hui, qui n'ont pas été réédités. Et puis, mais cet amour pour les actrices ou vis-à-vis des actrices du cinéma français, toute période d'ailleurs confondue, même si ce livre traite d'une période donnée, ça remonte à beaucoup plus loin. À l'enfance. Ça remonte à l'enfance, oui. Je vous l'avais raconté lors d'une émission, enregistrée il y a un an ou deux, pardon. Sur Sacha Guitry. Les premières révélations, le cinéma et les actrices, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très très lié dès le départ. C'était des visages en couleur dans des films des années 50-70. Donc c'était Micheline Prel ou Claudette Colbert dans Si Versailles m'était compté, Delphine Seyrig, Catherine Deneuve dans Podane, Darieux dans Les Demoiselles de Rochefort, Françoise Orléac, Deneuve encore, etc. Mais je crois que le vrai choc, c'était mes premiers visages noir et blanc au cinéma. Et je suis absolument pas scotché sur le cinéma noir et blanc. Je défends évidemment complètement le cinéma en couleur. Mais je trouve que les actrices ou les acteurs, mais c'est peut-être encore plus vrai des actrices, ne sont jamais aussi belles et mieux éclairées que par le noir et blanc. C'est peut-être pas tout à fait un hasard si aujourd'hui, dès qu'on a la possibilité de faire des photos, enfin, moi, je laisse réflexe, et certains de mes amis l'ont, et des comédiens l'ont aussi, c'est de se faire photographier par Harcourt. Et Harcourt, c'est le quintessence du noir et blanc sublime. Donc, il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer, mais qui fait que le noir et blanc provoque chez moi une émotion bien plus grande. Et mes premières actrices dont j'ai je vais pas dire que j'étais amoureux, mais qui m'ont apporté un vrai choc de, peut-être pas de cinéphile, mais en tout cas de très jeunes spectateurs. C'est Jacqueline de Lubac et Simone Renan dans Les Perles de la Couronne. C'est Lise de Lamare et Nadia Sibirskaya dans La Marseillaise de Renoir. C'est Viviane Romans dans L'Affaire du Collier de la Reine. Alors Viviane Romans, ce sera pour le deuxième tome. Ça sera pour le deuxième tome, voilà. Évidemment. Et puis ça peut être un visage en noir et blanc, mais ça peut être aussi des extraits de radio. Et on va écouter l'extrait d'une émission de radio. Péché mignon, une émission de Paris Inter présentée par René-Maurice Picard avec ce soir... Eh bien, nous allons commencer cette émission de Péché mignon ce soir, comme d'habitude, par une devinette. C'est peut-être pas très original, mais enfin, c'est très reposant. Et je vais demander de m'aider à mes deux invités de ce soir. Je vais leur demander de se présenter elles-mêmes ou de se définir, de dire d'abord qui elles sont. C'est très difficile. Mais non, vous allez voir, c'est très facile. Qui êtes-vous, vous deux, mesdames? Nous sommes des comédiennes, n'est-ce pas, ma chérie? La fille. Et la mère. Eh bien, écoutez, je vais vous demander pour éclairer nos lanternes. Nous faisons semblant de ne pas savoir qui vous êtes pour l'instant. Ce que vous avez fait récemment, toutes les deux, au théâtre et au cinéma. Bien, moi, il y a Souvenir perdu qui sort en ce moment au Colisée. C'est un film. Christian Jacques, oui. Donc, Christian Jacques a eu la gentillesse de me donner enfin une chance. Mm-hmm. J'espère qu'il ne le regrettera pas trop. Et au théâtre? Et au théâtre, je suis passé avant-hier en général la pièce de Jean-Bernard Luc chez Marguerite Jamois. Qui s'appelle? Qui s'appelle Le complexe de Philémon. Bon, et maman? Attendez, on va dire après aux auditeurs qui vous êtes. Et maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, maman, maman a joué la dernière pièce il y a assez longtemps déjà, c'est La Célestine. Ensuite, une pièce pour le Royal. Et maintenant, je prépare une tournée. Et pour aller au Caire, en Égypte, à Alexandrie, et j'en suis absolument ravie. Alors, bon. Je n'ai plus le temps que de faire des films. J'en ai fait quelques-uns, d'ailleurs, dernièrement. La Belle que voilà. Et puis, L'Homme de la Jamaïque, et le dernier film avec Pierre Brasseur, et le film de Delannoy, Dieu a besoin des hommes. Bon, et... Avec Frenet, c'est ça. Eh bien, je vais vous demander maintenant, c'est la tradition, il faut d'abord peut-être dire aux auditeurs qui vous êtes, ils vous auront reconnu. Allez, voici devant nous Marcel Géniat et Gilberte Géniat. Dites bonjour. Bonjour. Voilà, elles disent bonjour, gentiment. C'est dans l'émission Le Péché Mignon, leur péché mignon, Marcel et Gilberte Géniat par René et Maurice Picard. C'était le 21 février 1951 sur Paris Inter. Vous aviez reconnu évidemment Armelle Delorme. Oui, j'ai reconnu quand Gilberte Géniat parlait de... Bon, merci, j'avais une petite idée. Mais j'ai reconnu quand Gilberte Géniat parlait de sa participation à Souvenir perdu. Et puis alors, donc vous les traitez toutes les deux, bien entendu, sur 4 ou 5 pages. Comment réussir à faire 4 ou 5 pages sur deux comédiennes formidables, certainement, mais quand même que l'histoire du cinéma français n'a pas retenu comme étant les plus grandes vedettes. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, on ne se rappelle plus qui sont ces acteurs ou ces actrices, à quelques exceptions près. Les gens de 25 ans ne savent même plus qui est Daniel Darion. On se rappelle d'Arletty. Mais ça s'arrête à Arletty, en fait. Et quand on se replonge dans le parcours, alors c'est vrai de Gilberte Géniat, de Marcel Géniat et de toutes les autres, on a souvent des carrières très longues, très fournies. Marcel Géniat, c'est 65, 70 ans de carrière. Elle a démarré le théâtre à 8 ans à Saint-Pétersbourg. Et elle tourne encore à la fin de sa vie. Elle a 75, 80 ans. Gilberte Géniat, plus personne ne sait qui c'est, mais c'est une figure récurrente et familière au spectateur pendant des années. Elle a énormément travaillé au théâtre, au cinéma dans les années 40, mais elle est aussi dans des films d'auteur et des films grand public des années 70-80. À un moment donné, d'ailleurs, Gilberte Géniat est presque devenue, ça n'a pas duré longtemps, heureusement pour elle, mais c'est presque devenue la Kenny de South Park du cinéma français. C'est-à-dire que pendant 2 ans, elle ne tournait que dans des films où elle avait des morts violentes. Et à chaque film, on se demandait, alors comment on va la faire mourir cette fois? Parce que dans Une belle fille comme moi, elle se prend une fenêtre à guillotine sur la nuque, elle meurt d'un coup du lapin et elle disparaît du film. Le film suivant, elle se fait démonter le visage à coups de béquille par un terroriste. Et le film d'après, elle se fait trouver la balle dans un casse raté par Charles Denner. Donc on se dit que de film en film, qu'est-ce qu'ils vont inventer? Et puis finalement, ça s'apaise un petit peu. Elle revient à des rôles assez inattendus, finalement plus calmes, qui constituent son fonds de commerce. Alors des épicières, des concierges, des gouvernantes, des paysannes. Elle ne meurt plus, en tout cas au cinéma. Et j'ai toujours, quand je revois des bouts de films avec elle, l'image vraiment de Kenny dans South Park. Voilà. Alors on comprend bien, Armelle Delhomme, que vous adorez, vous aimez les actrices du cinéma français, les célèbres ou encore un peu connues ou très connues encore aujourd'hui, mais beaucoup les inconnues, voilà. Parce que est-ce que vous aimez quand même, parce que vous êtes un amoureux du cinéma sans doute, mais vous êtes aussi un homme qui peut être un peu vache quand même. Vous aimez lancer quelques petites méchancetés sur certaines comédiennes, enfin sur pas mal de comédiennes. Pas tant que. Hein, c'est vrai que je me suis amusé à faire un top 5 à la fin du livre des actrices sur un petit. Peut-être dû faire un autre métier qu'actrice de cinéma, ou parce qu'elle n'était vraiment pas faite pour ça, ou parce que il y avait un talent qui était peut-être qui passait très bien en théâtre, mais qui faisait que vous savez, tous les acteurs ne sont pas faits pour le cinéma, toutes les actrices non plus. La caméra ne passe rien. Il y a des acteurs qui ont des très grandes carrières au théâtre où ils faisaient parfaitement illusion et dont l'écran accentuait les moindres défauts. Quand vous prenez, par exemple, un acteur qui s'appelait Jean Weber, dont le cheval de bataille au théâtre a été le rôle de l'Aiglon, au théâtre, le public était sous le ravissement du début à la fin et très triste quand il mourait. Quand il joue l'Aiglon au cinéma, c'est une catastrophe. On voit le côté maniéré, on voit les yeux qui... Enfin, et puis il a pas l'âge du rôle. Il a à peu près l'âge du rôle, mais par contre, il lève les sourcils encore plus qu'Isabelle Adjani. Donc pour un acteur qui joue en jeune premier, c'est un peu gênant, mais au théâtre, ça passe. Voilà, donc il y a des actrices, effectivement, qui ont des grandes carrières au théâtre, qui n'auraient peut-être pas tout à fait dû faire du cinéma, comme Delia Cole, de toute façon plus personne ne sait qui c'est. Suzanne Delvey, vous parlez. Suzanne Delvey, qui a été une actrice très demandée à l'époque du muet. Mais dès que le cinéma devient parlant, devient une espèce de catastrophe ambulante qui fait tout ce qu'il ne faut jamais faire au cinéma. Bah, le cinéma s'invente, c'est pas de sa faute. Ce qu'il y a, c'est que en 1930, en fait, quand le cinéma est devenu parlant, et est devenu très vite parlant, c'est une révolution, l'arrivée du parlant, il faut s'adapter très vite. Le propre des décideurs, des gens de cinéma, producteurs, distributeurs et metteurs en scène, c'est d'essayer tout et n'importe quoi. Donc, on fait tourner un premier film sonore à Suzanne Delvey, qui est une actrice de théâtre qui a tourné quelques films muets. Et puis, dès le premier film, on se rend compte que contre le cinéma, elle, la magie n'opère pas du tout. Et elle continuera à faire quelques films, mais dans des rôles absolument court, anecdotique, et puis bah, continuer à faire du théâtre, parce que vous savez, il y a déjà peu forcément de... Il n'y a pas toujours autant de travail qu'il faudrait pour les bons acteurs, les bonnes actrices ou les acteurs reconnus. Donc, les acteurs vraiment considérés comme pas très doués pour le cinéma, on évite très vite de les faire travailler, c'est ce qui va lui arriver. Que deux films lui suffisent pour être dans l'ordre la plus honteusement exécrable de toute l'histoire du cinéma. C'est absolument pas le cas d'Annabella, j'espère. C'est absolument pas le cas d'Annabella. La célèbre star française de cinéma, Annabella, est de retour d'Hollywood, où elle a tourné deux films. Passons quelques instants en compagnie de la charmante artiste. Annabella nous est revenue d'Hollywood, plus charmante, plus jolie que jamais. Peut-être un peu américanisée, si j'ose m'exprimer ainsi, mais elle nous est revenue avec ce charme, ce sourire, ce je ne sais quoi d'indéfinissable, ce fait qu'Annabella a aussi bien en France qu'en Amérique des milliers et des milliers d'admirateurs. Annabella, tout d'abord, je veux savoir si vous êtes heureux d'être de retour, et si votre réponse est affirmative, dites-nous pourquoi. Je crois que vous venez vous-même de répondre à votre question, parce que le fait que je sois gaie, souriante, c'est simplement combien je suis heureuse d'être de retour en France. Et dites-nous quels sont vos projets. Ce projet, je dois commencer demain à synchroniser en français le Baroness and the Butler. Je vais partir en vacances, naturellement, je vais voir la France si possible. Vous allez aller dans le midi? Je sais pas, je vais aller partout, je vais aller en voiture, je vais tout revoir. Et puis alors je vais rentrer au mois de septembre, et je dois tourner avec Carnet. Hôtel du Nord. Et j'espère avoir Louis Jouvet pour partenaire. C'est pas rien quand même, hein. C'est pas rien. C'est un extrait donc d'une interview d'Annabella à son retour d'Hollywood. C'était sur Radio Actualité Française en août 1938. Ouais, d'où la qualité. Ça, juste avant le tournage d'Hôtel du Nord. Ouais. C'est assez drôle. Je ne pensais pas qu'Annabella avait ce débit de mitraillette. Je suis une actrice à l'écran, une actrice avec une voix très posée, un débit plutôt long. Donc je suis le premier surpris de l'entendre parler de aussi vite, en fait. Eh bien, il y a tout le mythe de la radio, là aussi, et de l'interview. C'est-à-dire qu'on rentre, l'actrice française, elle est aimée en France, elle est célébrée en France, mais évidemment, elle part à Hollywood. Et puis elle revient. Elle veut tout revoir de la France. Mais en fait, c'est surtout, son tour en France, c'est un retour très orchestré. Elle a essayé de joindre l'utile à l'agréable. Annabella, en 1937, avait été prise sous contrat pour 7 ans par, je crois que c'était par la Fox. C'est Daryl Zanuck qui l'a fait venir en Amérique. Et elle est tombée amoureuse de son partenaire, de son premier film américain, gros budget, qui s'appelait Suez. Son partenaire, c'était Tyrone Power. Coup de foudre, mariage. Un peu compliqué, parce qu'on ne savait pas s'il fallait que Tyrone Power se marie ou pas pour pas décourager ses admiratrices américaines. Finalement, Zanuck donne son feu vert. Annabella peut épouser Tyrone Power, mais pour pouvoir épouser Tyrone Power, il faut qu'elle divorce de son mari français, qui est l'acteur Jean Murat. Donc, elle revient en France à la fois pour tourner Hôtel du Nord, sa première fois en 1938 qu'elle travaille dans un studio, qu'elle s'apprête à travailler dans un studio français depuis son dernier film français qu'elle a tourné en 35. Et en fait, c'est l'occasion qui fait le larron. Elle vient divorcer de Jean Murat, la procédure va être longue, compliquée. Elle en profite pour faire son comeback dans un film français, le premier depuis deux ans et demi. Pas n'importe lequel. Qui est Hôtel du Nord, qui est un film mythique et qui ne va pas tant que ça lui porter bonheur. Puisque le film a été construit sur 3 têtes d'affiche, Annabella, Jean-Pierre Aumont, Jouvet, Arletty est vedette américaine. Et c'est elle qui va emporter le morceau. Et c'est Arletty qui emporte le morceau. Le public trouve qu'Annabella, qui a 31 ans, ne peut plus jouer les jeunes premières, ce qu'elle fait dans le film de Carnet. Donc, est un peu blasée par rapport à sa prestation, qui est d'ailleurs très très honorable. Et en revanche, plébiscite absolument Arletty. Qui voit dès la sortie du film ses cachets d'actrice multipliés par 10. Et à partir de 1941, Arletty est l'actrice la mieux payée du cinéma français. Voilà. Et vous pouvez aimer un film, Armelle Delorme, même si une comédienne donc, que vous traitez dans ce livre est mauvaise. Tout dépend des films et des actrices. Si on revient sur Annabella, moi, je trouve pas qu'elle soit mauvaise en Hôtel du Nord. Non, mais dans d'autres films. Je pense qu'elle est éclipsée. C'est une très très bonne actrice, oui, Annabella. Pense pas à elle. Non, je crois qu'à partir du moment où on a affaire à ce que je considère être un miscasting, ça veut pas dire que je ne prends pas plaisir à voir le film. Ça veut dire simplement que pour moi, ça sera peut-être pas un grand film ou un absolu chef-d'œuvre. Ça veut pas dire on peut prendre aussi un plaisir très coupable. Parce qu'un acteur ou une actrice, alors c'est pas très généreux de dire ça, mais un peu insuffisant ou c'est pas généreux, mais vous passez 800 pages à dire du mal parfois. Je passe 700 pages à dire du bien et puis quelques pages à dire du mal. On n'a pas parlé de Marion Dorion, parlons-en. De films, elle a fait du cinéma parce qu'elle était productrice des films et qu'elle passait avec le metteur en scène des deals. Je produis le film, je mets l'argent sur la table, mais j'ai le second rôle féminin. Elle est absolument pas actrice. On lui fait jouer une Marie-Antoinette de 30 ans, elle en a 58. Elle minaude pendant 1h30. Alors oui, on peut prendre un plaisir extrêmement coupable à voir une actrice de près de 60 ans jouer une Marie-Antoinette à Trianon en train de sautiller et de courir au milieu des troupeaux de moutons, mais c'est objectivement pas du même niveau que Arletty dans le rôle de Garance ou Françoise Rosay dans Pension Mimosa ou Jacqueline de Lubac chez Guitry et ailleurs ou Annabella ou dans Tel du Nord. Voilà. Est-ce que vous voulez écouter une actrice que peut-être vous aimez beaucoup, je ne sais pas, elle s'appelle Alice Cossea, c'est dans l'émission La Boîte de Pandore. Mais oui. J'étais exactement le contraire de la légende que l'on a fait de moi. Oui. On a fait de moi une espèce de vamp, de femme terrible, alors que je suis la bonté même, la gentillesse même, la douceur même. J'ai horreur de me disputer, j'ai horreur de tout ce qui est scène, j'ai horreur du drame. J'aime les animaux, j'aime les êtres, j'aime la joie et le bonheur autour de moi. La légende défigure terriblement et dépasse de beaucoup souvent la vérité. Extrait de La Nuit des Actrices, La Boîte de Pandore, Alice Cossea par Jean-Wilfried Garrett. C'est en septembre 1970 sur France Culture. Là, tout y est aussi. Là, on est chez la personne, chez la comédienne. Non, je ne suis pas la vampe que vous croyez, sauf qu'elle était-elle une vampe, vraiment? En tout cas, c'était pas une vampe, Alice Cossea. C'est pas son emploi au cinéma, ça n'a pas été son emploi au théâtre non plus. Alice Cossea, c'est comment vous dire? C'est la preuve que le talent au théâtre, au cinéma est évidemment quelque chose d'indispensable si on veut percer et faire carrière, minimum requis, mais que quand on bénéficie d'un solide alignement de planètes bien agencées, ça peut aider. Et Alice Cossea doit 90% de sa carrière, elle doit 10% à son talent qui est réel et effectif, et les 90% restants au fait que à l'automne 1918, elle est engagée pour tenir un des deux premiers rôles féminins dans une opérette qui s'appelle Fifi, qui est une parodie de comédie grecque très polissonne, où il est beaucoup question de sexe, d'amour, etc., mais dit de façon très très feutrée. La musique est de Vincent Scotto, qui a le chic pour écrire. À l'époque, on n'utilise pas l'expression tube pour parler d'une chanson qui va être reprise dans absolument partout, et c'est ce qui se passe. Donc démarre les répétitions de Fifi septembre, octobre, novembre 1918. C'est une pièce au départ qui est destinée à sortir un petit peu les Parisiens du marasme, de la guerre qui n'en finit pas. Sauf que entre la fin des répétitions et la première de Fifi arrive un événement inattendu, sa signature d'armistice. Donc du jour au lendemain, Paris redevient une fête, comme l'a dit et écrit Hemingway. Et Fifi ne va pas seulement dérider les Parisiens un peu moroses de la fin de la guerre, ça va être un premier grand succès dans une France pour qui la guerre n'est plus qu'un souvenir récent, mais qui appartient désormais au passé. C'est 18 années de représentation non-stop. Alice Cossea va pas faire 18 ans de Fifi, elle fera les deux premières saisons. Elle est lancée du jour au lendemain. La France entière chante une chanson de Vincent Scotto qu'elle ne chante pas dans la pièce, mais qui se rapporte à son personnage. Dans les paroles disent, c'est une gamine charmante, charmante, charmante, avec une âme innocente. Chez elle, tout est poésie. Elle répond au joli nom d'Aspasie. Trois jours après l'âge général, la France entière chante cette chanson-là. Et Alice Cossea devient une star des planches. Et sa carrière sera beaucoup plus une carrière d'actrice de théâtre connue et reconnue, puis de directrice de théâtre, une carrière de vraie vedette de l'écran. Elle fera quelques films au début du Parlant avec Pathé. Ça va pas durer longtemps. À 35, on commence à trouver qu'elle est un peu trop âgée pour les rôles de jeune femme. Elle retourne sur les planches. Mais elle fait quelque chose d'extraordinaire et d'inattendu. Elle accepte de revenir à l'écran 30 ans après avoir arrêté de tourner dans un film qui est devenu culte, qui est passé inaperçu au moment de sa sortie, qui est un film de Jacques Poitrenaud qui s'appelle Striptease, qui est le premier film tourné en vedette par Nico, la chanteuse et future égérie du au début des années 60. 63. Oui. Et Nico est absolument sublime. Elle est d'une beauté à couper le souffle. Elle est faite pour l'écran. Elle n'est pas encore abîmée par la drogue en plus. Elle crève l'écran, mais à chaque plan. Et le seul moment où elle est un peu moins présente à l'écran, c'est sa scène de 5 minutes avec Alice Cossea, qui joue une vieille dame un peu indigne et en même temps très empathique et pleine de bon sens. Et c'est le seul moment du film où la caméra n'est plus que sur Nico, on n'est plus fasciné uniquement par cette jeune mannequin, actrice et future chanteuse mythique, parce que Alice Cossea prend... vole la scène, et comme quelqu'un qui n'a pas fait de cinéma depuis 30 ans, qui sait très très bien, qui connaît son métier sur le bout des ongles, et qui sait comment faire pour amener le spectateur plutôt à elle que sur sa partenaire. Elle est formidable dans ce film. Alors, elle est entre, dans votre dictionnaire, Armelle Delorme, elle est entre Lynn Cleverss et Delia Cole. Delia Cole, j'en ai déjà un petit peu parlé pour dire que c'est une actrice pas très faite pour le cinéma. Elle a pas été très gâtée. Elle a deux pages, selon. C'est-à-dire, Delia Cole, si on peut dire une chose, c'est parce que j'ai revu des bouts de films, en fait, avec Delia Cole, il y a pas très très longtemps. Il y a un film qui vient de repasser sur le câble, qui s'appelle Marthe Richard au service de la France. Delia Cole, c'est une actrice. Raymond Bernard. C'est le parfait sosie de Camille Cotin, mais sans le talent de Camille Cotin. Et on lui fait jouer dans ce qui reste son dernier film parlant et son dernier film tout court quasiment, on lui fait jouer Matahari. Le problème, c'est qu'elle passe après Garbeau, elle passe après Marlène Dietrich. Et c'est pas une très bonne actrice. Ah. Et voilà. La même année, elle joue dans une énième version de Topaz, elle passe après De Vichelière. Pas facile. Pas facile. Voilà. Éline Clevers, ou Clevers d'ailleurs, on prononçait, actrice, chanteuse, plutôt les débuts du parlant. Et moi, je suis très très heureux d'avoir pu en parler parce que, on peut faire une parenthèse et si elle est dispensable, on coupera. Éline Clevers, je me suis beaucoup inspiré d'un portrait que m'avait offert Raymond Chira. Qui m'a quand même appris pas mal de choses pendant mes années d'apprentissage et même après. Et Raymond était très très malheureux de que ses éditeurs historiques aient dit « on sort 250 portraits d'acteurs connus, justement, mais les acteurs que le grand public ou les cinéphiles connaissent pas tant que ça, c'est du papier en l'air, c'est de l'encre gaspillée, ça va intéresser personne, donc on les sort pas. » Et Raymond, toute sa vie, jusqu'à sa disparition en 2015, a traîné le regret de ne pas avoir pu écrire sur des acteurs qu'il affectionnait particulièrement. Et et quand je commençais à sortir des livres sous le label de l'aide-mémoire, il m'a dit « moi, j'ai plein de portraits que je suis prêt à t'offrir. » Ah bon, mais qui ça ? Et le premier portrait qu'il m'avait proposé, c'était Éline Clevers en disant « mon éditeur, historique n'en a pas voulu. Est-ce que toi, tu le publies ?» Je dis « mais oui, bien sûr, si tu en as d'autres, mais donnez-moi, je prends. » Donc, je n'ai pas publié le texte original de Raymond. J'ai emprunté des citations. Mais ça explique aussi le pourquoi du comment de ce livre, en fait. C'est que le dernier conseil que Raymond Chira m'a donné quelques mois avant de disparaître, c'est continue, profite du fait que tu es éditeur et pas seulement écrivain, pour écrire sur les personnes sur qui tu as envie d'écrire, parce que moi, je n'ai pas eu cette possibilité, et toute ma vie, je m'en voudrais de ne pas avoir bataillé avec Gallimard, avec Verrier, pour imposer avoir la liberté. Donc toi, fais-le. Oui. Quitte à passer pour un fou furieux et un maniaque et qui écrit également sur des actrices pas connues, mais pense que c'est un luxe inouï, et que moi qui c'est pour ça que c'est pour ça que, qu'on, pas eu ce, qu'on aime ce livre, voilà. Armelle Delorme, parce que justement c'est un fou, vous êtes un fou furieux et un maniaque dans le bon aussi, sens du terme, oui. Et un historien du cinéma et un amateur de toutes ces comédiennes et des comédiennes connues et des moins connues, et à chaque biographie ou à chaque filmographie il y a tout un roman et toute une époque, évidemment. On va écouter un dernier extrait quand même. Ici Pierre Canet qui vous parle de New York. Nous avons eu la chance de pouvoir saisir au vol, et je dis bien au vol, Madame Gabrielle Dorzia, qui il y a une journée a pris l'avion à Hollywood pour se rendre à New York, et qui dans une journée reprendra l'avion pour se rendre à Paris. Gabrielle Dorzia a fait un séjour de plusieurs semaines à Hollywood, où elle a tourné dans un film avec Bing Crosby. Mais je ne vois pas au fait pourquoi je donnerai tous ces renseignements, puisque Gabrielle Dorzia est à nos côtés. Vous êtes arrivé aux États-Unis quand ? Je suis arrivé aux États-Unis le 27 octobre. Et vous êtes resté quelques jours à New York, je crois. Suis resté une douzaine de jours à New York parce que j'ai beaucoup d'amis à New York. J'ai fait un séjour assez long à New York en 14-15, où j'ai joué 18 mois l'épervier que j'avais créé à Paris. Je l'ai joué en anglais au Schubert Theater avec un acteur américain qui s'appelait William Feversham. C'est la raison pour laquelle votre anglais est si bon, puisque moi-même j'étais il y a 4 jours à Hollywood et que j'ai eu le plaisir de vous entendre prononcer un discours en anglais, un discours improvisé. Vous pouvez dire très improvisé. J'ai répondu à toutes les questions que l'on m'a posées et je crois qu'on a entendu que moi ce soir-là, parce que c'est bien ça que j'ai fait que parler. Bon, c'était un dîner en votre honneur, madame. Je voudrais que vous nous parliez de ce film que vous venez de tourner. Eh bien, le film de Bing Crosby, je crois, est un très bon film parce que c'est une histoire qui est une histoire internationale, qui intéresse tout le monde. Et le film, à mon avis, est charmant et Bing Crosby est un acteur adorable. Et je crois que pour lui, c'est une chose merveilleuse parce que ce film va le placer dans une classe tout à fait différente de celle dans laquelle il a évolué jusqu'à présent. C'est vraiment un rôle d'acteur qu'il a dans ce film et il le joue adorablement. C'est un garçon en effet très charmant, mais n'est-il pas la seule vedette américaine de ce film ? C'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 rôles pas très importants encore américains, et le film se passe à Paris. Tous les extérieurs ont été faits à Paris et à Montfort-l'Amaury. Et il a pour titre ? Il a pour titre Little Boy Lost. Ce qui, en traduction littérale, veut dire le petit garçon perdu. Le petit garçon perdu, oui. On ne sait pas encore si c'est le titre que ce film aura en France. Oh, je ne sais pas, je crois qu'ils vont le garder, parce que le titre est aussi bon en français qu'il est en anglais. Et qui aviez-vous à vos côtés comme artiste français ? Eh bien, d'abord, j'avais mon cher et grand camarade et ami, Claude Dauphin, avec lequel nous avons joué ensemble, avec lequel j'ai joué plutôt, je ne sais plus parler français, moi, c'est avec lequel j'ai joué l'Espoir de Bernstein il y a quelques années. Et que j'ai retrouvé avec grand plaisir. Il y a Georges Tarlis, il y a Nicole Moret, il y a Mademoiselle de Réal, Et qui est le petit garçon perdu? Le petit garçon perdu est un petit garçon qui s'appelle Fourcade, qui a déjà fait, je crois, 2 films à Paris, qui est, je dois dire, extraordinaire. Un extrait de Plein Feu sur les spectacles du Monde par Pierre Crenès, qui recevait donc Gabriel Dorzia parlant de cinéma. C'était en janvier 1950 sur la chaîne nationale. Je vous vois sauter sur votre siège, Armel Delorme. Ah oui, mais c'est terrible parce que 20 secondes pour Gabriel Dorzia, c'est pas possible. Oui, je vous demande pas plus. C'est un véritable supplice chinois. Non, Gabriel Dorzia, c'est une des plus grandes actrices du cinéma et du théâtre français du 20e siècle. C'est une actrice remarquable. C'est l'actrice. Une des actrices de prédilection de Cocteau, théâtre à écran, carrière très longue. C'est dommage, c'est déjà fini, oui. C'est triste, mais au moins ça m'aura permis une chose, c'est de terminer cette interview sur une note positive de bien de Gabrielle Dorzia, qui est une actrice que j'affectionne tout particulièrement. Ne bougez pas, on va la retrouver à la toute fin de nuit. Et de toute façon, vous avez eu 20 secondes pour parler de Gabrielle Dorzia, mais vous avez 800 pages pour parler des actrices du cinéma français 1929-1944. d'Arletty à Kiki de Montparnasse, publié chez L'Aide Mémoire. La nuit des actrices, donc, Joséphine Baker, Sylvia Bataille, Arletty, on retrouvera Bruno Villien qui nous parlera d'Arletty et de Jacqueline Delubac, et puis Simone Renan, et puis Paulette Dubost, Françoise Roset, Didier Griselin viendra nous en parler, Edwige Feuillère, Pauline Carton, Maria Cazares et Blanchette Brunois. Vraiment, on est vraiment dans la nuit des actrices du cinéma français.